Chapitre 2. Brusquement, Gisèle s'entendit interpeller. « En vérité, madame, ne voulez-vous même pas me dire bonjour ce soir ?» Elle ouvrit les yeux tout grands, tressaillit comme prise en faute. Le rideau était baissé. C'était le tumulte de l'entracte. De tous côtés, les habits noirs s'empressaient auprès des corsages décolletés. Ses invités causaient avec les hommes au fond de la loge. À côté d'elle, M. Daugier s'inclinait. Il la regardait avec une sorte de dépit mal dissimulé. Elle s'excusa en riant. Mais le front du jeune homme ne se dérida pas. Il dit avec un sourire qui masquait mal sa méchante humeur. « J'ai cru que vous ne vouliez pas me reconnaître. Peut-être quelqu'un de ces messieurs vous intéresserait-il davantage. » D'un hochement de tête irritée, il désignait les habits noirs qui tapissaient le fond de la loge. Elle ne lui en voulut pas de son ton âpre. Même, elle en eut une espèce de joie singulière comme si sa colère mal contenue la chatouillait agréablement. Mais elle affecta de s'indigner et lui donna de son éventail de plumes un petit coup sur la manche. « Fis donc, monsieur, vous ne mériteriez pas que je vous dise à quoi je pensais ?» Et comme, rasséréné à demi et intrigué, il l'interrogeait, elle s'amusa à éluder ses questions, à détourner l'entretien, à se dérober à demi-mot, à se jouer de sa curiosité de mâle, comme un chat d'une souris. Elle faisait cela sans coquetterie, par instinct malicieux, par besoin inconscient de sentir son pouvoir sur lui, mais il s'énervait et finit par lui dire sincèrement « Ne soyez pas méchante, vous voyez que vous me faites mal. » Elle s'arrêta, compatissante. C'est vrai qu'il semblait souffrir. Elle remarqua deux plis qui creusaient ses joues. Elle fut désolée d'avoir blessé sa sensibilité crispée, de s'être divertie de sa peine. Par une impulsion subite, elle eut le désir qu'il fût heureux par elle. « Approchez-vous, » dit-elle, « écoutez. » Et sans raisonner, par besoin qu'il eût de la joie, sans réfléchir de quelle manière ce qu'elle dirait pourrait lui plaire, à demi-voix, ne parlant que pour lui, elle lui dit sa soirée de jeune fille et le vœu qu'elle avait formé sur la terrasse devant les étoiles. Elle ne remarqua pas l'attitude du jeune homme qui l'écoutait. C'est qu'elle-même, tout à coup, en achevant son récit, baissa les yeux, se sentit embarrassée, regretta qu'elle n'eût pas gardé le silence. Elle eut un petit rire contraint en concluant. « Vous voyez donc, monsieur, que vous avez mauvaise grâce à vous plaindre de moi. Non seulement vous êtes cause de mes distractions, mais vous avez fait battre mon cœur de jeune fille et les étoiles ont failli nous unir. Comment, après cela, ne serions-nous pas bons amis ?» M. Daugier ne riait pas. Il la contemplait fixement de son œil, ce soir, si brillant. Elle ne put soutenir son expression et, baissant les yeux, regarda ses mains. Elle se crispait fébrilement sur les bords du chapeau de soie. De l'émoi contenu de cet homme, elle fut alors frappée elle-même et un trouble subit la secoua. Qu'est-ce que cela voulait dire? Qu'allait-il se passer? Une voix un peu voilée frappa ses oreilles. « Êtes-vous sûre, madame, que quand vous avez formé votre vœu, l'étoile était tout à fait disparue ?» Involontairement, une question jaillit des lèvres de Gisèle et de nouveau, sitôt prononcée, elle aurait voulu la retenir, mais il était trop tard. « Que voulez-vous dire ?» La voix de M. Daugier répondait tout bas, mais d'un accent passionné et farouche. « Je veux vous dire que je vous aime. » Elle leva les yeux et le regarda en face avec une stupeur consternée. C'était lui, l'ami de son mari, qui parlait ainsi, d'un ton qui excluait toute réponse badine. Et c'était elle qui l'écoutait, elle, la femme d'un autre, l'Hermine. Mais elle allait lui fermer la bouche, le remettre à sa place, l'écraser d'un seul mot. D'une voix irritée et railleuse, elle lui cingla. « Auriez-vous l'obligeance, monsieur, de répéter vos paroles ?» Elle vit passer sur ses traits une expression de souffrance profonde. De nouveau ses mains se crispèrent, et il murmura comme dans une sorte de rêve, mais avec l'accent lassé d'une sincérité désolée. Pardonnez-moi, je vous ai dit que je vous aimais. Il sembla à Gisèle qu'elle était la proie d'un songe bizarre. C'était vraiment à elle que s'adressaient ces paroles. Pourquoi n'en était-elle pas plus irritée? Mais au fond, y avait-il lieu de s'irriter? Badine, cette déclaration n'aurait pas contrevenu au code des convenances mondaines. Pourquoi d'être sincère serait-elle devenue une offense? Une offense, quelle folie! Ce n'était pas assurément de l'indignation qui se levait en elle, c'était quelque chose d'autre, de plus doux, de plus rayonnant. quelque chose qu'elle ne connaissait pas, qui rendait son cœur à la fois languissant et brûlant, quelque chose d'inexprimablement exquis. Il se demanda si elle n'était pas heureuse, oh, trop heureuse. Et elle eut peur que son bonheur n'affluât à sa peau, ne sortît par ses yeux, n'éclatât sur son visage. Elle balbutia sans savoir « Vous m'aimez ?» Robert la contemplait avec angoisse. Il ne saisissait pas ce qui se passait en elle. Pourtant, confusément, il se demandait si les choses qu'il croyait impossibles, que sa pensée n'osait même pas concevoir, si ces choses-là vraiment par hasard n'existaient pas. Il aurait voulu fouiller la poitrine blanche qu'il palpitait, retrousser les paupières délicates, lire au fond des yeux dévoilés. Et tout à coup, jouant le tout pour le tout, il murmura d'un accent à la fois tendre et presque despotique. « Et vous, Gisèle, ne m'aimez-vous pas ?» Elle eut un recul. L'attaque était trop brutale. Une révolte secoua son être et la colère plissa son front. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, hostiles. Il se vit raillé, repoussé, proscrit à jamais. Hélas, il était envolé le rêve glorieux. Il sentit quelque chose d'humide perler entre ses cils. D'un revers du gant de soirée, il essuya ce qui n'était pas encore une larme. Partie perdue. Il reprit, accablé. « Au moins, pardonnez-moi. » Mais une voix qu'il ne connaissait pas, une voix brisée et étrange, lui murmurait très vite « Allez-vous-en, allez-vous-en. » Il releva les yeux et lut son triomphe avec certitude. La joie radieuse de la victoire, de l'amour et de l'orgueil gonfla son cœur. « Gisèle. » De la tête, elle lui imposait silence. Puis, par monosyllabes hachées, elle lui expliquait ce qu'elle voulait. Ce soir, c'était trop. Elle n'était pas préparée. Elle ne pouvait plus. Il y avait un malentendu. Ils essaieraient de voir ensemble un de ces jours. Quand? Eh bien, demain, par exemple, à 11 heures. D'ici là, il reviendrait à lui-même. Elle aurait le temps aussi de se ressaisir, d'oublier. Il s'inclina. Dans la salle, c'étaient les allées et venues de fin d'entracte. Les dames s'asseyaient en tapotant leurs jupes. Les hommes prenaient place derrière elles. Le gros Jean Bertoli frappa sur l'épaule du marin. « Ce polisson de Robert, toujours à faire la cour à ma femme. » Gisèle se sentit pâlir de dégoût et évita de regarder le jeune homme pour ne pas voir le mensonge sur sa figure. Mais elle se domina et dit avec calme « Monsieur Daugier me demandait la permission de se sauver. » Nous n'aurons pas la barbarie de le retenir. » Tandis qu'aux premières sonorités de l'orchestre, le silence se faisait dans la salle, Gisèle, avec stupeur, regardait tomber en elle-même les voiles qui, depuis 2 mois, lui rendaient son cœur invisible et quelque chose proclamait en elle, plus haut que l'orchestre, plus haut que les chants, plus haut que sa volonté, plus haut que tout. « Mais moi aussi, je l'aime. Mais je l'aime. » Et dans une fièvre de terreur et de joie, elle serra les dents de toutes ses forces pour ne pas crier son amour.